trois notes de cette vie. Le clavier n'en a plus envie. Deux ou trois pages de poésie. Il faut bien que quelqu'un en rie. Deux, trois chansons pour un chagrin. Deux, trois mots, trois fois rien. Caresse pour ce chien. Il n'importe de n'être rien. Il n'importe.